mais moi j'ai l'habitude. J'ai chanté mon amertume dans la voix et fait autotune. J'suis m'écras dans l'attitude. Parlez-moi, j'ai l'habitude. J'ai chanté mon amertume dans la voix et fait autotune. Nostalgique d'une belle époque, j'porte en moi les mêmes regrets que la plupart de mes potes. Glauque comme une maison close, jaloux boycott, j'enfoncerai les portes. J'ai les idées claires, moi, je touche à aucune drogue. Je me soumets qu'au roi des rois, j'ai aucune idole. Pour aucun homme, je mettrai le front contre le sol. Même sous la menace d'une arme, mon âme est malade, car je vois mon mal par le rap. Les soucis me sous-graffent, je pète un câble alors. Alors je marche, ça me soulage. Si je ris beaucoup, c'est que tout va mal. Mon cœur est malade, je pêche et malheureusement, ça devient banal. J'étane, ricane, l'homme en général va mal. Sœur, ton premier combat, c'est contre ton âme. On a tous nos problèmes, trop de soucis pour une vie. Le mal nous mal mène, victime du système. Entre bien et mal, une vie de schizophrène. Ce qui me freine de commettre l'irréparable, ma foi. Voilà ce qui fait que je suis pas de ceux qui se suicident. Malgré les soucis, je reste solide. Je suis mécra dans l'attitude.